auprès de Tom, Dick ou Jimmy. Voilà déjà longtemps que tous mes amis me l'ont dit. Malgré ce que tu fais, tant pis si je suis fou. Oui, je t'aime et je le crie partout. Oh. Fou, fou, fou, mais je t'aime. Fou, fou, fou, mais je t'aime. Fou, fou, fou, mais je t'aime. Oui, et c'est bien plus fort que tout, tout, tout, tout, tout. Je cherche en vain les mots qu'il faut, mais tu me quittes et sans le moindre mot. Tu t'enfuis déjà pour te jeter dans ses bras, car tu ne sais combien je t'aime et à quel point sans toi je m'ennuie. Fou, fou, fou, mais je t'aime. Fou, fou, fou, mais je t'aime. Fou, fou, fou, mais je t'aime. Et c'est bien plus fort que tout. Tu reviens malgré tout, ce n'est pas normal, mais bientôt je te l'avoue. Tu seras tout près de mon cœur et alors tu me...